6B 1. Alors, c'est quelque chose qui sert à écrire ou à dessiner, qui est rectangulaire et blanc, et que vous utilisez en classe, et puis qui est en papier. Ah oui, je sais. 2. C'est un objet que vous utilisez pour effacer une faute, mais seulement quand vous avez écrit au crayon, qui mesure 5 cm plus ou moins, et qui parfois est bleu et rouge. Ah, je sais. 3. C'est quelque chose que vous mettez en hiver, qui est chaud, qui est en laine, qui est rectangulaire et que vous mettez autour du cou. Ah, ben oui. 4. C'est quelque chose que vous mettez sur la tête pour vous protéger du soleil ou du froid. C'est en coton ou bien en laine. C'est aussi quelque chose que portent les policiers. Ah oui, c'est facile. 5. C'est un objet qui fonctionne avec de l'électricité, qui permet de voir dans l'obscurité, qui est en verre, qui se casse très facilement. Facile. 6. C'est un objet que les hommes utilisent, qui est jetable et qui coupe. Ah ouais, d'accord.